Au sport. Le 15 janvier, dans la Ligue de basketball benjamin masculin division 3, Louis Saint-Laurent visite le séminaire de Sherbrooke à 19h15. Le 17 janvier, au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Offer de Saint-François, l'équipe atome A des Sharks du Haut-Saint-François reçoit les cantonniers de Magog à East Angus à 15h. L'équipe Pee-Wee B accueille Métro Brunel vers Saint-François à 16h15. L'équipe Midget B reçoit Frontalier 2 à 19h.